une histoire particulière. Quel lieu ! Direction Londres où nous étions hier et le quartier de Whitechapel. Whitechapel, c'est la Whitechapel Road qui tire son nom d'une petite chapelle de proximité blanche consacrée à Sainte-Marie. Dans les années 1840, Whitechapel Road, c'était un dédale de petites rues sombres, particulièrement Dorset Street. Pendant l'époque victorienne, la population première, issue des campagnes pauvres d'Angleterre, a vu arriver des immigrants de partout, en particulier des Irlandais et des Juifs. À Whitechapel et dans tout l'East End, c'était la misère, la vie dans la rue, l'exploitation des travailleurs, la prostitution et la mortalité infantile. 1888 a connu les crimes de l'assassin de Whitechapel, connu sous le nom de Jack l'Éventreur. Nous retournons à Londres sur les traces de Jack the Ripper, guidé par Michel Pomared et François Test. This episode includes dramatizations. Cette émission contient des récits décrivant des meurtres et des agressions qui peuvent choquer les auditeurs. Nous vous recommandons de faire preuve de la plus grande vigilance pour les enfants de moins de 13 ans. Now, enjoy the show. Sur les traces de Jack l'Éventreur. Michel Pomared, François Test. Gros plan sur les victimes. Il y a eu 11 meurtres à Whitechapel qui se sont produits entre 1888 et 1891. Certains disent que tous ces meurtres font partie de la période de terreur de Jack l'Éventreur. D'autres disent que non. Mais les meurtres sur lesquels on peut se mettre d'accord sont les meurtres de 5 femmes. Polly Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes et Mary Jane Kelly. Oublions le musée dédié à Jack l'Éventreur dans le quartier de Whitechapel. Oublions ces 5 étages, pas toujours du meilleur goût, avec la reproduction soi-disant à l'identique de la chambre d'une des victimes, forcément une femme de mauvaise vie, avec son lit défait et ses bouteilles de gin renversées sur le sol. Et écoutons le point de vue plus respectueux d'amateurs qui se sont rassemblés au sein de l'association la Whitechapel Society. Je suis Ruby Vittorino et je suis étudiante écrivaine de scénario, recherche historique. La Whitechapel Society, c'est une société qui étudie l'histoire, surtout de ce quartier de Londres, qui est le East End, surtout du 19e siècle, et surtout l'histoire de Jack l'Éventreur. Vous, Ruby, dans cette histoire, qu'est-ce qui vous intéresse ? Au départ, c'était l'histoire de Jack l'Éventreur. Et maintenant, c'est moins ça, mais c'est l'histoire du 19e et ce quartier en général. Je pense qu'on est tous là. L'histoire de Jack l'Éventreur, c'est vraiment que le départ pour la plupart des gens. Les archives sur le 19e siècle, depuis des années, elles sont exploitées. Qu'est-ce que vous allez trouver de nouveau ? De plus en plus, il y a d'autres archives qui deviennent disponibles. Il y a toujours des photographies, par exemple, qui étaient prises, emportées par des gens, des policiers, par exemple, qui étaient dans l'époque, et que leur famille, peut-être eux, ils tiennent des photographies ou des papiers particuliers que maintenant on a accès. Il y a toujours, toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Hello and welcome to Rippercast, your podcast on Jack the Ripper and the Whitechapel murders. Au menu de la Whitechapel Society, un podcast intitulé Rippercast. En anglais, Jack l'Éventreur se dit Jack the Ripper. Astronomer pub on Middlesex Street. Je m'appelle Lindsay Civita, je fais des recherches en histoire, je m'intéresse à Jack l'Éventreur depuis 30 ans et j'organise des visites guidées dans ce quartier est de Londres depuis 17 ans. Vous êtes une femme, vous faites un parcours sur les traces du tueur de femmes. D'abord, qu'est-ce que ça vous a fait à vous ? J'ai toujours ressenti beaucoup d'empathie pour les femmes dans cette histoire. Peut-être parce que ce sont des femmes. J'ai toujours pensé que les familles des victimes devraient pouvoir obtenir justice et que ce serait bien qu'on découvre un jour qui était Jack l'Éventreur. Au cours de toutes ces années, j'ai rencontré plusieurs descendants des familles de ces femmes et ils sont tous fascinés par l'histoire. Certaines familles sont réticentes, timides à l'idée de s'impliquer, mais d'autres sont très enthousiastes. Tout le monde a des réactions différentes. La première fois que j'ai suivi un parcours dans Whitechapel, j'étais très jeune. J'ai commencé mes recherches à l'âge de 12 ans, donc ça fait presque 30 ans que je m'intéresse à ça, sans parler des visites que j'organise maintenant. Donc j'ai toujours été passionnée par cette histoire. Pourquoi cette fascination et pourquoi autant d'années ? La première fois que j'ai vu le film avec Michael Caine, en 1988, un long métrage très connu sur ce sujet qui s'intitule Jack l'Éventreur, j'étais collégienne et je m'intéressais beaucoup à l'histoire de l'époque victorienne, aux énigmes, à Sherlock Holmes. J'ai vu ce film et ça a changé ma vie en quelque sorte, parce que je voulais savoir qui était le tueur. Et c'est ce qui reste le plus important pour la plupart des gens, toujours aujourd'hui, parce que tout le monde aime les énigmes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux obtenir justice pour ces femmes. Je le ressens personnellement, peu importe que ça ait eu lieu il y a 100 ou 200 ans. La façon dont ces femmes sont mortes est tellement barbare, tellement atroce qu'il faudrait que l'auteur de ces crimes soit traduit en justice. Karl Kopak, est-ce qu'il y a une signature dans les crimes qui permettent d'identifier le tueur ? Il opérait de façon presque scientifique. D'abord, il les égorgeait. Tous les rapports disent qu'il y avait des bleus sur les joues et dans le cou, ce qui indique qu'il les frappait violemment. Puis, par derrière, il leur coupait la gorge de gauche à droite. Et on pense qu'il faisait de la sorte, car la carotide tranchée de cette façon ne fait pas couler trop de sang. À l'inverse, si on coupe de droite à gauche, c'est une véritable effusion. L'éventreur lui-même aurait été couvert de sang et donc plus facile à trouver. À cause de cette méthode, on pense qu'il travaillait dans un abattoir ou qu'il était chirurgien, ce que je trouve difficile à croire personnellement. Après, il les mutilait. On dit souvent que Jack l'Éventreur était un tueur sadique. Pas du tout. La vie ne l'intéressait pas. Il voulait y mettre fin le plus rapidement possible. Il voulait les organes. Il voulait pénétrer le corps. Ali Ruben-Hold, vous êtes historienne et vous publiez un livre consacré aux 5 victimes canoniques de Jack l'Éventreur. Quel était le point de départ de cette recherche ? Je voulais écrire un livre qui s'inscrirait dans la continuité de mon travail de recherche sur le XVIIIe siècle et la prostitution. Je cherchais des sujets possibles. Et je me suis demandé quelles étaient les prostituées connues au XIXe siècle. Et bien sûr, j'ai tout de suite pensé aux prostituées de Jack l'Éventreur. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fil de mes recherches, je me suis vite rendu compte que je ne trouvais pas d'éléments qui me permettaient de dire qu'elles étaient prostituées. Et c'est ce qui m'a paru le plus surprenant. La victime que j'ai trouvée la plus intéressante, même si bien sûr elles le sont toutes, c'est Annie Chapman, la deuxième victime. Annie Chapman avait, je pense, la vie la plus prometteuse parmi les 5 victimes. Elle avait épousé un cocher qui travaillait pour un gentleman. Elle naviguait dans les plus beaux quartiers de Londres, Knightsbridge, Belgravia, St. James et dans une propriété à Windsor. Ils avaient assez d'argent pour envoyer leur fille dans une bonne école. Je pense qu'ils auraient pu accéder à une classe sociale largement supérieure. Ils auraient pu faire partie de la classe moyenne. Leur fille aurait pu faire de beaux mariages. Le problème, c'est qu'Annie était alcoolique. Et c'est finalement ce qui l'a fait plonger, ce qui a fait qu'elle a été prise dans une spirale infernale. Son mariage en a souffert. Elle a été envoyée dans un des premiers centres de désintoxication pour femmes pendant un an à Londres. Elle s'en est sortie, puis elle a replongé. Et finalement, elle s'est séparée de son mari et elle s'est retrouvée à Whitechapel. Thank you. Chapman was not a prostitute at all. From the very start of the murders, Annie Chapman n'était pas du tout une prostituée. Dès le début des meurtres, on a pensé qu'il y avait un motif caché. On pensait que Jack l'Éventreur était un tueur de prostituées. Toutes les victimes de Jack l'Éventreur venaient de familles brisées et n'avaient plus de foyer. La plupart d'entre elles avaient été mariées, avaient eu des enfants, et le fait qu'elles soient séparées de leur mari ou qu'ils soient morts faisait d'elles des femmes sans foyer, sans but dans la vie. And Victorian society was orchestrated in such a way that a woman could not be independent. La société victorienne était organisée de telle façon qu'une femme ne pouvait pas être indépendante d'un homme. Il fallait qu'une femme ait un homme. Et ça marchait pour les hommes aussi d'une certaine façon. Pour les plus pauvres, ils dépendaient véritablement les uns des autres. Donc si une femme ou un homme se retrouvait veuve, ou s'ils s'étaient séparés de leur conjoint, il fallait vite retrouver quelqu'un. Un homme avait besoin d'une femme pour lui faire à manger, faire le ménage, la couture, et les femmes avaient besoin d'un homme qui les aide. Parce que le salaire des femmes au XIXe siècle était ridicule. Les femmes ne pouvaient pas être le soutien de famille. Dans le cas d'Annie Chapman, par exemple, son mari était toujours vivant. Mais une fois séparée, elle avait besoin qu'un homme l'aide. Même si elle recevait 10 shillings par semaine de pension de son mari, Annie était alcoolique, véritablement dépendante de l'alcool. Elle dépensait probablement ses 10 shillings en boissons. Et elle avait besoin qu'un homme la protège. Et aussitôt qu'elle a retrouvé un homme, on l'a considérée comme adultère. Au XIXe siècle, une femme qui avait des relations sexuelles hors mariage, quelles que soient les circonstances, était une femme détruite, déchue. À l'époque, on avait peu de notions du nombre de personnes qui vivaient dans la rue. Des sans-abri, des vagabonds, mendiants, prostituées. Ils étaient tous mis dans le même panier. On ne faisait pas de différence. Cette femme mendie, celui-là est sans abri, celle-là c'est une prostituée. On faisait peu d'efforts pour différencier les groupes sociaux à cette époque-là. Guide Lindsay Sylvester. Beaucoup de recherches ont été menées sur les victimes. L'écrivain Neil Sheldon est l'un des premiers à avoir cherché à interviewer des membres de la famille des victimes il y a une dizaine d'années. Lorsque j'organise aujourd'hui des parcours dans le quartier, les gens sont choqués d'apprendre que Polly Nichols, la première victime, après avoir donné naissance à son cinquième enfant, voit son mari partir avec la nurse, s'installe dans une nouvelle vie et crée une nouvelle famille juste au coin de la rue. Je pense qu'on ignore que ces femmes ont été conduites à se prostituer, qu'elles ne sont pas nées prostituées. C'est une situation qui arrive suite à des problèmes de vie domestique et familiale. Souvent, leur parcours se ressemble étrangement. Essayer de recueillir ces histoires est absolument passionnant. 5 enfants et elle se retrouve sans abri, sans maison, sans rien. C'est pour ça qu'elle se retrouve à la rue et qu'elle est obligée de se prostituer. Je pense qu'il y a beaucoup de mythes que les films perpétuent, que ce sont des filles de joie, qu'elles aiment cette atmosphère de bordel. Mais c'est tout simplement faux. Elles sont dans la fange de la société, elles ont été chassées, elles n'ont nulle part où aller, elles n'ont plus de maison, elles sont, au sens propre, à la rue. Et elles doivent trouver 4 pennies pour payer leur lit tous les soirs. Je m'intéresse d'ailleurs aussi à l'histoire sociale de la prostitution, et j'en parle pendant les visites. Il faut davantage réfléchir aux raisons pour lesquelles elles sont arrivées à Whitechapel, pourquoi elles en sont arrivées là, et pas seulement se souvenir d'elles comme des victimes de Jack l'Éventreur. Alors on va passer par là, vous me suivez, on va couper ensuite dans un petit coupe-gorge, c'est le cas de le dire. Ici, LJ au sol. Le policier dans les rues de Whitechapel, les guides rivalisent les uns avec les autres, et en cherchant bien, certains parlent français et n'épargnent aux participants aucun détail. Il a relevé ses jupes, il lui a ouvert également la cavité abdominale, il en a retiré les intestins qu'il a déposés à côté de son épaule. Sur cet aspect du commerce autour de Jack l'Éventreur, est-ce que vous pouvez me raconter combien est-ce que de gens qui passent leur temps la nuit à marcher sur les traces du tueur? L'histoire de Jack l'Éventreur rapporte beaucoup d'argent d'un point de vue commercial. Quand j'ai commencé les parcours dans le quartier il y a environ 20 ans, il y avait 12-15 personnes chaque soir. Aujourd'hui, j'ai 40 personnes tous les soirs, en plus des autres guides, bien sûr. Donc ça a pris une ampleur incroyable. Quand j'ai débuté, nous n'étions que 2 ou 3. Aujourd'hui, il y a 20 entreprises touristiques. Donc oui, c'est un commerce important. Tous les soirs, ce sont des centaines de personnes qui font le parcours dans les rues de Whitechapel. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission, une nouvelle série télé, le nombre des participants augmente. La fascination ne fait qu'augmenter, ça ne s'arrête pas. J'ai remarqué, parmi les gens qui viennent, qu'avant c'était des Britanniques et parfois quelques Américains. Mais aujourd'hui, je vois des Japonais, des personnes que je ne voyais jamais auparavant, venant de pays asiatiques ou d'autres. C'est étrange, ça touche le monde entier. Et quand je parle à ces gens, je leur demande « Vous avez entendu parler de Jack l'Éventreur ?» Et ils me répondent « Bien sûr !» Et c'est pour ça que ça marche aussi bien. C'est parce que c'est une histoire qui est connue dans le monde entier. Et c'était le cas à l'époque, ça continue d'être le cas aujourd'hui. Well, I'm Chuck the Reaper, I'm opposite of you. I think you've heard of me, I'm the one with the hooded suit. I'm never coming back home without little souvenirs. And this time, boy, you've just met Jack, and that's a fact. We should get an answer, we should get some cash. We should have to go away and leave behind the trash. We should get an answer, we should get some cash. We should have to go away and leave behind the trash. Well, I'm Jack the Ripper, always walking with a stick. Austin Harney, on est dans un pub. Dans Whitechapel, à quelques encablures des lieux de meurtre de Jack l'Éventreur. Pourquoi est-ce que vous avez décidé il y a quelques années de faire quasiment une promenade ou une description des lieux de crime, mais en vous intéressant uniquement aux victimes? Quelle est votre motivation par rapport à cette histoire? We sincerely believe. Nous pensons vraiment qu'on devrait moins s'intéresser à ce meurtrier. Peu importe qui il était, ce n'est pas le sujet. Et plus à ses victimes et à ce qu'elles ont subi. C'est incroyable que cet assassin attire autant l'attention. Il est temps de réécrire les livres d'histoire. On devrait parler davantage des victimes, pourquoi elles sont devenues prostituées. Pour la plupart d'entre elles l'ont fait contre leur gré. Elles ont commencé assez tard et sont mortes de la façon la plus horrible et la plus sordide. Et tout à coup, bizarrement, on s'intéresse plus à l'assassin qu'à ces pauvres femmes. Ici, dans le quartier, les groupes, on pourrait dire, se croisent. Certains cherchent des traces du meurtrier, d'autres s'intéressent à la topographie des lieux, ont appris par cœur des descriptions. Comment est-ce que vous apportez quelque chose de nouveau dans votre parcours ? J'explique au public qu'il s'agit de malheureuses femmes qui sont mortes dans des circonstances tragiques. Je n'explique pas comment le meurtrier a commis ses crimes. Je n'entre pas dans les détails des meurtres, délibérément. Les photos qui sont publiées sur Internet sont une honte. Je refuse de les montrer pendant la visite. Et pour rappeler le souvenir de ces femmes, je raconte également leur vie, ce qu'elles ont vécu et leur fin tragique. Une fin qu'elles ne méritaient pas. Voilà, c'est comme ça que j'essaie de faire passer le message au public. Karl Kopak, qu'est-ce qui vous intéresse dans Jack l'Éventreur ? Est-ce que c'est la recherche ou c'est l'identité ? C'est la recherche. Je ne m'intéresse pas du tout à l'identité du tueur. L'histoire de Jack l'Éventreur n'est pas qu'une histoire de tueur. Ça parle de la pauvreté, de l'alcoolisme et de la prostitution en 1888. Ça parle de l'Angleterre victorienne, du fait que Londres était la plus grande ville du monde à cette époque, et pourtant, cette partie de la ville où nous nous trouvons en ce moment était complètement délabrée. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. On trouve beaucoup d'informations en ligne sur ce sujet, et c'est aussi ça qui continue de m'intéresser. Mais l'identité du tueur, je pense qu'on serait déçus si on l'apprenait tout à coup. quelles sont les thèses les plus, on va dire, fantastiques ou les thèses qui circulent, qui vous surprennent le plus sur l'identité même du tueur ? Que Jack l'Éventreur était une femme ? Qu'il y ait eu plus qu'un seul assassin ? Ces questions sont toujours d'actualité malgré 30 ans, 40 ans de recherche. Je sais qu'en ce moment, se prépare un film sur Mary Pearcy pour savoir si c'était Jill l'Éventreuse. C'est une théorie qui existe depuis quelques années. Il y a un livre qui est sorti sur Mary Pearcy récemment qui soutient cette thèse et le film va peut-être aller dans le même sens. Ce n'est pas nouveau. Arthur Conan Doyle pensait que Jack était en fait Jill. Jill, une sage-femme devenue l'Éventreuse. Donc encore une fois, ce n'est pas nouveau. En réalité, ces idées sont apparues dans les années 80 et elles ont toujours cours aujourd'hui. Régulièrement, on entend de nouvelles théories, de nouvelles idées. Mais elles ne sont pas toujours nouvelles. En réalité, on ne peut pas étendre indéfiniment le nombre d'idées nouvelles. Dans le bas quartier de Whitechapel, on l'appelait Abigail. Sans amour, elle vivait l'âme en peine, d'être née sans être belle. Mais qui est l'âme en McClane, qui a choisi Abigail parmi toutes les demoiselles du quartier de Whitechapel. Dans le bas quartier de Whitechapel, qui est devenu Abigail. Quelques jours avant Noël, c'était à la une des nouvelles. Mais qui est l'homme en McFarlane, qui regardait Abigail comme l'unique demoiselle du quartier de Whitechapel. Qu'est-ce que ça a changé pour vous de travailler sur cette question ? Je crois que comme je me suis intéressée à ce sujet quand j'étais adolescente, j'ai voulu continuer, devenir historienne, en faire mon métier. Donc j'ai suivi des cours d'histoire dans plusieurs universités. Et comme j'étais passionnée par les histoires vraies, les histoires criminelles, je rêvais de travailler à Scotland Yard. Et donc j'ai travaillé pendant 5 ans dans leur fameux Black Museum, le musée dédié au crime, jusqu'à récemment. Donc cette histoire a complètement changé ma vie, ça lui a donné un sens. Parce que j'ai compris à ce moment-là que ce qui m'intéressait, c'était les énigmes, les histoires criminelles et les tueurs. Donc ça a été déterminant pour ma carrière. À quoi servait Jack l'Éventreur hier, avant-hier, et à quoi sert Jack l'Éventreur aujourd'hui ? L'historienne Ali Rubenhold. Notre société est toujours obsédée par Jack l'Éventreur. Mais on est obsédé parce qu'on veut savoir qui était le tueur. Pour beaucoup, c'est comme un jeu de société, comme un roman policier. Et si on essaie d'imaginer qui aurait pu être Jack l'Éventreur, voilà qu'on imagine tout un tas de théories. En réalité, les personnes qui émettent toutes ces théories ne sont pas forcément celles qui connaissent le mieux les recherches qui existent déjà, ni les preuves établies, ou qui peuvent évaluer la fiabilité de ces documents. La plupart de ce qu'on sait de Jack l'Éventreur vient de reportages tirés de la presse à sensation. Les fake news existaient déjà au 19e siècle, comme elles existent aujourd'hui. Il faut se rappeler que la plupart des dossiers, des informations sur ces 5 femmes sont perdues. Les dossiers ont disparu. Il y a des rapports de police, mais ils sont incomplets. Il manque des documents. En tant qu'historien, on le sait, on accorde moins de poids à certains éléments et plus à d'autres. Et même pour les documents auxquels on accorde du crédit, on se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'un officier de police indique-t-il prostituée dans la case profession ? Les gens ne s'intéressent pas à l'analyse en détail de ces sources parce que ça leur enlèverait du plaisir, à savoir découvrir qui était Jack l'Éventreur. Résoudre ce mystère. Aujourd'hui, comme hier, c'est ce qui attire. Mais à l'époque, c'était impératif en 1888. Il fallait qu'on trouve ce tueur avant qu'il ne frappe à nouveau. Aujourd'hui, cet impératif n'existe plus. Il s'agit simplement de divertissement. Il y a deux Jacques l'Éventreur, je dirais. Il y a le personnage historique qui intéresse nous avec l'histoire sociale, mais aussi il y a cette personne mythique dont est partie de notre culture, qui n'a rien à voir avec la réalité, le personnage avec le chapeau haut, avec le cap, tout ça. Mais est-ce que le deuxième Jack l'Éventreur, c'est un symbole, par exemple, machiste, qui veut s'en prendre aux femmes ? Est-ce qu'on peut avoir aussi cette lecture-là ? Il y a beaucoup de gens qui seront d'accord avec vous, je pense. Il y a des gens qui font de l'argent sur le dos de ce Jack l'Éventreur mythique. Et nous, dans notre société, par exemple, il y a beaucoup de débats sur où se trouve la ligne entre le Jack l'Éventreur qui intéresse nous et ce Jack l'Éventreur qui est utilisé pour faire de l'argent. Et qui fait les tours ? N'importe qui ? En général, c'est des historiennes, par exemple, pour qui travaille Lindsay, c'est quelqu'un qui est qualifié de raconter l'histoire. Et quelqu'un comme lui, je le connais, il ne veut pas montrer des photographies de victimes pour faire de l'argent, mais il reconnaît qu'il y a des gens qui ont envie de savoir. Et moi, personnellement, je pense que c'est important de savoir, parce que quand on voit, on comprend quelle horreur c'était. Mais donc, il passe les photographies toujours cachées, et c'est pour les gens à décider s'ils veulent voir ça ou s'ils n'ont pas besoin de savoir. C'est pas quelque chose qui est montré pour faire des frissons ou quelque chose comme ça. Mais il y a d'autres personnes qui veulent faire de l'argent, qui vont mettre ça, ces images, en avant. C'est sûr qu'ils vont avoir les t-shirts faits avec des images, avec le Jack l'Éventreur mythique. Et, parce qu'il y a aussi un marché pour ça. Ça dépend de ce qu'on cherche. De Jack l'Éventreur, gros plan sur les victimes, avec Ruby Venturino, Lindsay Sylvester et Karl Kopak de la Whitechapel Society, le syndicaliste Austin Harney et l'historienne Ali Rubenhold. Traduction Caroline Ferrard avec les voix de Thierry Beauchamp, Arnaud Carbonnier et Pauline Dubreuil. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomaret.